Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler des sabres de Roberval avec l'instructeur-chef Guillaume Gay. C'est la première chronique des sabres. Salut Guillaume! Salut Danny! Guillaume, les sabres de Roberval, de ce que j'ai pu voir depuis le début de la saison, ça semble assez positif. Merci quand même. Deux victoires, deux défaites à nos quatre premiers matchs de la saison régulière. On continue sur la bonne voie. Les joueurs travaillent fort. On travaille fort là-dessus. OK. Ça avait commencé l'année passée. Je pense que vers la fin de l'année, les joueurs avaient donné un meilleur effort. Est-ce que je me trompe là-dedans? Puis là, ça semble continuer cette année. Ça semble axé sur l'éthique de travail. Oui, Danny, l'année passée, saison, c'est sûr que ça a mieux été qu'en début de saison. Les gars, comme tu dis, une très bonne éthique de travail. Puis quelques nouveaux joueurs là, qui amènent du positif dans la chambre. Puis non, c'est quelque chose qu'on travaille fort là-dessus, là, l'éthique de travail. Puis jamais abandonner, travailler fort. C'est comme ça que les sorts, l'identité des sorts cette saison. OK. Est-ce que, du côté des Sabres, est-ce que la force de l'équipe, ça va être à quel niveau cette année? Présentement, on se voit sur papier avec une très bonne offensive. Les résultats ne le demandent pas encore présentement. Mais normalement, avec l'offensive, les joueurs qu'on a en attaque, on devrait marquer quand même plusieurs buts. Il s'agirait de travailler sur notre défensive là, pour essayer d'en accorder moins. Avec ça, je crois que le succès va arriver et que on devrait avoir une belle saison. OK. OK. T'as-tu beaucoup de nouveaux joueurs? Je te dirais que oui. Quand j'ai 5 à 6, 18 ans. OK. Puis, et un joueur du collégial de l'an passé qui nous donne un bon coup de main cette saison. Puis j'ai 7 à 8 vétérans là, de l'année passée là, dans notre noyau de joueurs qui est revenu. Donc tout ça mélangé ensemble, ça fait un bon mélange en début de saison. C'est très positif. OK. Si on y allait maintenant... Oui? Donc si on y allait maintenant avec les matchs de la fin de semaine, ça a été une victoire, une défaite. Je pense que dans le match contre Chicoutimi, la défaite, ça s'explique bien. C'est parce qu'il y avait quand même des joueurs qui n'étaient pas là, là. L'effectif réduit, là. Oui, il manquait des bons éléments, mais on se donnera pas d'excuses. On a dû jouer notre pire match là depuis le début de la saison, match préparatoire également. On dirait que la préparation était moins bonne que d'habitude. Les Saguenay ont quand même une très bonne équipe aussi, là, faut lui donner crédit là-dedans. Mais on n'était pas satisfait de l'effort des joueurs. En même temps, c'était vraiment notre premier match vraiment difficile. Là. Ça nous a remis un petit peu sur terre, là, comme je pourrais te dire. OK. Puis ça, c'est jamais mauvais. Là. Non, ça, c'est sûr. Il faut en retirer du positif de ça. Puis, avec le match de dimanche, là, ça a très bien été. OK. Ben, c'est sûr. Okay. Hey, dis-moi, de ce que tu as vu de la Ligue, est-ce que la Ligue va être quand même compétitive? Est-ce qu'il va y avoir une belle parité cette année? Oui, la parité, je crois que les équipes, les cinq équipes vont être capables de se battre entre eux autres. Il y a vraiment, à première vue, il y a Normandin là, qui n'ont pas perdu encore. Okay. Et je crois qu'il y a des fortes comme Jonquière par les années passées, il n'y en aura pas. Donc, toutes les équipes devraient être pas mal égales. Là, que le classement devrait être serré, d'après moi, jusqu'à la toute fin. Les Allemands ont quatre défaites, mais ils ont perdu trois matchs par un but. Okay. C'est des matchs qui ont tiré d'un bord comme de l'autre. Puis, non, je veux vraiment une bonne parité cette saison. Puis, la Ligue va être pas mal plus attrayante aussi pour les partisans. Ouais, c'est sûr. Hein? Dis-moi, est-ce que du côté des adjoints, c'est-tu les mêmes adjoints qui reviennent? Non, j'ai Simon Boudreau là, comme entraîneur adjoint que l'an passé, il n'était pas là. Okay. Il y a Maxime Petitpouet aussi comme entraîneur adjoint qui s'occupe des gardiens de but, qui fait un retour, là, qui avait été 2 ans avec Jason. L'année passée, il était parti. Puis cette année, je l'ai réapproché, puis ça l'intéressait bien gros. Fait qu'il a décidé d'embarquer avec nous. OK. Dis-moi, le fait qu'il y a du scolaire pour les centres de Robertval, est-ce que vous allez travailler, parce qu'il y a des joueurs qui risquent d'aboutir dans votre équipe éventuellement, est-ce que vous entendez travailler en collaboration avec les centres, avec les scolaires, pardon, les aigles? Présentement, j'ai pas parlé avec Simon encore, là. Mais okay. C'est sûr que c'est une possibilité. Puis que ça va donner un coup de main du côté des joueurs, c'est certain. Là, le scolaire ne sera pas juste à Alma, il va en avoir à Robertval. Ouais. Ça va faire développer un petit peu les joueurs là, pour le junior, en fait, là, pour ceux-là qui vont continuer au junior 2A. C'est sûr que ça va faire des joueurs qui vont avoir vu du hockey structuré. C'est bon pour le développement. Puis je crois que ça va ramener la frénésie aussi à Robertval, ouais, pour les partisans. Avec du bon hockey d'un calibre comme ça, puis surtout bien dirigé par Simon, on sait son curriculum vitae est assez, ben oui. Est assez élevé. C'est sûr que moi je vais voir l'organisation des centres voit que du positif avec l'arrivée des aigles. Puis en plus que eux autres ils jouent dans l'après-midi, puis nous autres on joue le soir, ça fait que ça attire la même clientèle un peu là. OK. On ne pas en même temps, fait que c'est quand même. Non, c'est positif pour l'organisation, c'est certain. OK. Ben Patrick, on va à toutes les semaines, on va se faire une chronique pour parler des matchs comme on l'a fait l'an passé, puis on s'en reparle. Ben, il n'y a pas de problème, Danny. Je vais attendre ton téléphone. L'instructeur-chef Guillaume Gay des Sabres de Robertval.